T'as déjà connu une femme qui m'a quitté, qui est parvenue? Bien à bord, Hermine toute. Quand je pense à toi, je mange du chocolat. Quand je pense à vous, je chie du caoutchouc. Quand je pense à eux, je me sens un peu vieux. Quand je pense à moi, la la la la la la.